De l'Antarctique au Spitzberg, des Galapagos au Groenland, laissez-nous vous étonner. Réalisez vos rêves en embarquant avec Hurtigruten vers des contrées mythiques. Retrouvez le goût de l'aventure et de l'émerveillement face à une nature et une faune spectaculaires. Enrichissez vos connaissances aux côtés de nos experts et abandonnez-vous au confort chaleureux et informel d'un navire Hurtigruten. Réservez votre croisière pour 2023 avant le 30 juin sur hurtigruten.fr et économisez jusqu'à 500 euros par personne. Offre soumise à condition. Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour du cinéma de François Truffaut, initialement diffusée en septembre 2019. Aujourd'hui, quatrième épisode, Jules et Jim. Je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Ce qui est tout le contraire. L'amour est le sujet de tous les sujets. Il prend une telle place dans la vie, dans les appartements, dans les rues, dans les bureaux, dans les journaux, dans la politique, dans la guerre, dans les usines, dans la réussite, dans l'échec, dans les fêtes foraines, dans les squares, dans les écoles, dans les casernes et aussi dans les avions, que si l'on me prouvait, statistique en main, que 9 films sur 10 sont des films sur l'amour, je répondrais que ce n'est pas suffisant. Les autres sujets ne m'intéressent pas. Chaque cas mérite un film et je pourrais tourner 25 fois les mêmes scènes avec des personnages différents. Nous imitons Jean-Pierre Léo la nuit sur le quai du métro. Nous nous coiffons avec les mains sous des néons à Jules Geoffrin. Nous cherchons des correspondances dans les amours à contresens. Nous enroulons les mêmes foulards en traversant les grands boulevards. Nous imitons Antoine Doinel la nuit métro quai de Javel. Nous passons sous les réverbères perdus dans nos manteaux d'hiver. Nous répétons dans un miroir Christine Darbon, Fabienne Tabar, assis dans le dernier métro. Nous imitons François Truffaut. Bonjour Christophe Honoré. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Est-ce que vous pensez comme Vincent Delerme qu'on passe notre temps à imiter François Truffaut? Ah là, c'est terrible pour un cinéaste. Non, moi je peux pas dire que peut-être dans la vie, oui. En tout cas, on imite forcément ce qu'on a vu dans les films. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, les films de Truffaut ont été des films qu'on a tellement vus et revus qu'on finit par s'accorder à leur rythme, à leur motif. Mais malheureusement, en fait, les films de Truffaut semblent appartenir quand même à une époque. Perdu, disparu, en tout cas du cinéma français, et donc je suis pas sûr qu'on vit très très bien aujourd'hui en fait si on imite les films de Truffaut. Parfois on s'en rend pas compte. Pratiquement tous les invités que j'ai reçus cette semaine pour parler de Truffaut, en tout cas les deux hommes, disaient qu'ils imitaient Antoine Doinel, François Truffaut dans leur rapport aux femmes, qu'il y avait une forme d'éducation presque sentimentale, ce qui personnellement m'inquiète, à travers les films de François Truffaut. Alors pour moi c'est différent, parce qu'étant homosexuel, forcément j'ai jamais, vous voyez, je me suis jamais identifié au tempérament séducteur de Doinel par exemple, et à son esprit, j'allais dire un peu stendhalien, de conquête, parce que c'est un conquérant quand même, Antoine Doinel, et un conquérant souvent maladroit d'ailleurs, souvent assez... enfin, c'est ça qui fait aussi son charme, en tout cas en tant que personnage de fiction. Non, moi j'ai pas l'impression de m'être identifié à des personnages masculins chez François Truffaut. C'est à François Truffaut lui-même en fait que je me suis identifié, mais avant, bien avant même d'être cinéaste. Donc c'est pas du tout une identification de cinéaste à cinéaste. Je pense que même quand j'étais spectateur de Truffaut et que j'avais une vingtaine d'années, c'était lui en fait qui me touchait beaucoup. Et qu'est-ce qu'il représentait à l'époque pour vous? Pour moi, il représentait le cinéma français. Il y avait quelque chose comme ça, d'une figure de cinéaste qui me semblait représenter à elle toute seule en fait l'ensemble des cinéastes français. J'avais l'impression que Truffaut c'était à la fois Renoir, Vigo, c'était la nouvelle vague à lui tout seul et dans un sens c'était aussi tout le cinéma français des années 70 que je pouvais voir comme ça un petit peu depuis la porte de la salle à manger sur la télévision quand je me cachais un peu de mes parents pour regarder un peu les films qu'ils regardaient. C'est-à-dire que il y a des gens comme ça qui représentent une époque, qui ont à peu près travaillé avec tous les acteurs intéressants de cette époque, qui ont filmé une époque, et avec d'ailleurs tout ce que ça entraîne aujourd'hui quand même d'effets démodés dans les films de Truffaut. Et je pense vraiment que François Truffaut a été à un moment le cinéma français et que c'était certainement une charge très lourde pour lui et que sa disparition prématurée n'est pas étrangère à ça. Parce qu'aujourd'hui, parler de François Truffaut et de son héritage engage une forme de respect presque imposé. François Truffaut, il est au centre du cinéma français et en même temps, dès qu'on creuse un peu, il y a toujours des réserves, des réticences qui s'expriment de la part de ceux qui en parlent. Oui, parce que moi je partagerais pas ça. Je crois qu'au contraire, Truffaut est absolument oublié dans le cinéma français d'aujourd'hui. Il y a très très peu de films français aujourd'hui où vous pouvez tirer un lien ou trouver qu'il y a un écho avec le cinéma de François Truffaut. Je pense que quelqu'un comme Piala, par exemple, a tout à fait pris la place de François Truffaut au centre du cinéma français. Et d'ailleurs, je pense que pour Piala, ça a été très complexe aussi la disparition de Truffaut, parce que soudain, il a été désigné comme ça, comme le patron du cinéma français, alors que Piala, je pense, dans un sens, préférait tout à fait la place du rival. Et moi, je sens beaucoup plus dans le cinéma français, et d'une manière majoritaire, et j'allais dire presque d'une manière tyrannique, aujourd'hui, l'influence de Piala que l'influence d'un cinéma truffaldien. Alors après, faut-il encore réussir à le définir, ce cinéma truffaldien ? Mais en tout cas, je pense qu'il est... Le problème de Truffaut, c'est qu'aujourd'hui, quand il existe dans les films, il existe en tant que fétiche, vous voyez ? Il existe par des détails, par des... par une espèce de comme ça, de... Oui, c'est des petits bouts de Truffaut, quoi. Mais la nature même de ses films, la manière dont il construit ses récits, la manière dont il envisage le cinéma et la vie, je pense que ça, c'est absolument absent du cinéma français d'aujourd'hui. Vous arrivez à le définir ? Qu'est-ce qui fait un film de Truffaut ? C'est quoi l'univers de Truffaut ? Moi, je crois que déjà, ce qui fait un film de Truffaut, c'est d'admettre que le cinéma français dépend de la littérature. Et ça, c'est déjà une donnée... Ce qui est votre cas, Christophe Honoré. Vous avez commencé par écrire des romans avant de faire des films. Oui, voilà. Et c'est le cas de pour moi, enfin, en tout cas, de tout ce qui m'intéresse dans le cinéma français. C'est-à-dire que un cinéma, c'est toujours difficile parce qu'on parle du cinéma d'auteur, on ne sait jamais très bien comment le définir, etc. Mais pour moi, un cinéma d'auteur, c'est quand même un cinéma où quand on regarde un film, on sait à peu près ce qu'il y a comme roman ou comme livre sur la table de chevet du cinéaste. Et on voit bien, en fait, que les films de Truffaut sont absolument... La littérature est presque première, en fait. C'est très étrange, hein, d'ailleurs, parce que c'est un cinéphile absolu. C'est évidemment le rapport presque d'historien du cinéma est capital, en fait, chez Truffaut. Mais je crois vraiment que c'est toujours le livre qui est le point de départ, en fait, chez Truffaut. Et ça, par exemple, aujourd'hui, la littérature, elle est très minoritaire dans le cinéma français. Quand je dis la littérature, bien sûr, c'est pas du tout l'adaptation littéraire. L'adaptation littéraire n'a rien à voir avec... Donc c'est quoi, c'est de voir des livres à l'écran? Ou de citer des auteurs? Non, c'est d'envisager un scénario comme un roman, tout simplement. C'est de penser que la mise en scène est avant tout une écriture, non pas l'écriture du dialogue, mais bien l'écriture du découpage, et que dans la direction d'acteur est une écriture, et que tout ça est pensé comme l'écriture d'un roman, et produit même, et tourné et fabriqué comme l'écriture d'un roman. Mais dans ce cas, qu'est-ce que le cinéma apporte de plus que le roman ? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête pas au roman alors ? Mais parce que je pense que le cinéma est une manière étrange et maladive et sournoise de des... Oh là, vous me faites dire des choses qui peuvent se paraître très prétentieuses, mais de créer une littérature d'aujourd'hui. Je pense vraiment que des gens, par exemple, comme... je pense que des gens comme Truffaut ont tout à fait conscience qu'ils arrivent, non pas tant après Renoir, après Rossellini, etc., mais qu'ils arrivent après Proust. Et comment on écrit après Proust ? Voilà, je pense que c'est vraiment des questions, en fait, que moi je ressens, mais que je peux ressentir aussi chez des gens comme Godard, chez Romer, chez Rivette. C'est-à-dire, c'est vraiment des gens qui réfléchissent le cinéma depuis leur lecture. Et c'est pour ça que je dirais que le cinéma est quand même est toujours une manière pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je vois ces cinéastes-là, de faire écho, en fait, à une lecture et à la littérature. On vous a demandé de nous proposer quelques extraits de Truffaut que vous auriez plaisir à commenter. On va en écouter un, mais avant cela, je propose qu'on écoute une sorte de mix entre le film Jules et Jim de François Truffaut, qui date de 1962, et votre film, Christophe Honoret, qui s'appelle Les chansons d'amour. Je ne suis pas certain que nous soyons dans le bon ordre. Voilà. Tu m'as dit je t'aime. Je t'ai dit attends. J'allais dire prends-moi. Tu m'as dit va-t'en. T'es d'accord, Julie ? Oui. J'éteins ? Oui. Tiens. Ah. Quel genre de sexe tu pratiques ? Moi ? Quel genre de sexe ? Je pratique le non-sexe, tu le sais bien. Voilà le genre de sexe que je pratique. C'est pas très gentil pour moi, ça. Mais toi, c'est pas pareil. T'es comme ma sœur. C'est pas vraiment du sexe. Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux dormir seule cette nuit. Va dans ta chambre. Mais pourquoi ? Ben, nous étions censés dormir, je te rappelle. Sans doute. Mais je n'ai pas de cœur. C'est pourquoi je ne t'aime pas. Et que je n'aimerai jamais personne. Tu sais, je pense vraiment que tu es très jolie. Tu sais qu'il t'aime. La stratégie, c'est de m'éliminer. Et la tactique, c'est de m'endormir avec vos petits bisous. Je ne sais plus. Je vous préviens, la guerre à trois n'aura pas lieu. Vraiment, je ne sais plus. Jules et Jim, c'est l'histoire d'une femme qui aime deux hommes et en meurt. C'est également une histoire d'amour avec cette idée que le couple n'étant pas toujours une notion réussie, satisfaisante, il semble légitime de chercher une morale différente, d'autres modes de vie, bien que tous ces arrangements soient voués à l'échec. À l'époque, j'avais été frappée par le fait que dans tous les films, même les bons, si on montrait une personne aimée par deux autres, on donnait à choisir au public un personnage de préférence à l'autre. Il n'y avait pas l'idée de l'impossible choix. Et c'était ça qui me plaisait, l'idée de montrer que parfois, on ne peut donner raison à personne, qu'une femme peut aimer deux hommes et que les deux soient bien. Il fallait, en partant de la situation la plus scabreuse qui soit, deux hommes et une femme vivant ensemble pendant toute une vie, réussir un film d'amour le plus pur possible. Et cela, grâce à l'innocence des trois personnages, leur intégrité morale, leur tendresse et surtout leur pudeur. Chemin de la philosophie, Adèle Van Rett. En compagnie aujourd'hui de l'écrivain et cinéaste Christophe Honoré pour conclure cette série d'émissions autour du cinéma de François Truffaut, le texte que j'ai lu juste après avoir entendu ces deux extraits de Jules et Jim et des chansons d'amour est tiré d'un témoignage de François Truffaut qui parle de son film. Et c'est vrai qu'il est assez troublant lorsqu'on compare Jules et Jim et les chansons d'amour, Christophe Honoré, on se dit que l'influence est forcément là. Est-ce qu'on se trompe quand on se dit ça ? C'est très étrange en fait, parce que le film de référence en fait pour moi des chansons d'amour, c'est Une femme est une femme, qui est Jules et Jim, c'est-à-dire que ils ont été tournés à peu près à la même époque et c'était une grande époque d'amitié et d'échange entre Truffaut et Godard, et dans Une femme est une femme, c'est aussi deux hommes et une femme, donc c'est comme ça une espèce de variation autour du trio. Sauf que moi, j'avoue que dans Jules et Jim, je ne Je crois pas que c'est ça l'histoire. Je crois pas que c'est une femme qui aime deux hommes et qui en meurt. Je crois que c'est deux hommes qui s'aiment et qui se servent d'une femme pour s'aimer. Ah oui? Parce que lui dit que c'est de l'amitié. Hein. Il dit que c'est grâce à la forme d'amitié entre les deux personnages masculins que... Oui, mais vous remarquerez, vous noterez quand même que et dans le choix des comédiens et dans la manière de les filmer, en fait, la féminité, et d'ailleurs, il s'amuse de ça, la féminité est du côté des hommes, des garçons, des interprètes, et le masculin est plutôt du côté de Jeanne Moreau. Et d'ailleurs, on sent qu'à un moment, pour s'intégrer dans ce trio, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle se travestit, elle met une casquette, elle met la moustache. Donc, en gavroche un peu, oui. On dit souvent en fait que la nouvelle vague a absolument été incapable de mettre en scène l'homosexualité, enfin qu'il n'y a pas de grand film autour de l'homosexualité de la nouvelle vague. Et pour moi, Jules et Jim est le grand film de l'homosexualité de la nouvelle vague. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est. Je me souviens très très bien que quand j'étais adolescent, c'est le film qui m'a le plus touché. Alors après, c'est la force aussi des grands films hein, de qu'on puisse en tant que spectateur se les raconter. Et que ça s'accorde à nos désirs. Mais je l'ai revu récemment et très honnêtement, je pense que c'est impossible que Truffaut n'ait pas songé à ça, qu'il était en train de raconter une très grande histoire d'amour entre deux hommes. Ce qui est dingue, c'est que ça contredit tout ce que Truffaut dit explicitement par ailleurs. On va l'écouter juste 30 secondes, écouter comment Truffaut parle du cinéma. C'est un métier très féminin comme tous les métiers artistiques et en même temps viril parce qu'il y a toujours un moment de crise quand 40 personnes travaillent ensemble pendant 3 mois et il y a sûrement des moments où il faut prendre des décisions, où il faut montrer de la fermeté. Alors c'est un métier qui demande énormément de qualités et puis des qualités qui toujours ne vont pas ensemble ou qu'on ne s'attend pas à trouver chez le même homme. C'est pour ça certainement qu'il est difficile de faire des films et aussi c'est sûrement pour ça qu'il n'y a pas tellement de grands films. À part les siens, sans doute. Alors, Truffaut est quand même celui qui parle du cinéma comme étant l'art féminin par excellence, et pas que dans le tournage, qui compare quasiment l'image à une femme, qui a une vision très genrée des choses. Et vous en faites une lecture qui va finalement à rebours de ce que lui-même dit par ailleurs. Oui, qui va... Mais parce que je trouve que dans les films de Truffaut, vous savez, vous avez démarré justement par Delphine Seyrig dans Domicile conjugal, qui dit Antoine Delel, mais je ne suis pas une apparition, je suis une vraie femme. C'est tout le contraire. C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que la mise en scène ne la filme que comme une apparition et absolument pas comme une vraie femme. C'est pas parce qu'à un moment, il y a comme ça, elle sert un café chez elle, etc. Enfin, il suffit de voir Delphine Seyrig chez Chantal Akerman ou même chez Duras, elle est autrement une vraie femme et pas du tout une apparition. Il est dans l'incapacité de filmer les femmes comme des vraies femmes, pour moi. Mais c'est sa force pour moi. C'est-à-dire qu'elles sont toujours éthérées? Elles sont toujours comme un peu fantomatiques? Non, c'est pas éthéré parce que, vous voyez par exemple, on voit bien comment ça lutte dans Le Dernier Métro avec Catherine Deneuve par exemple. Parce que on sent bien que la mise en scène la filme quand même comme une apparition et que Deneuve, la force en fait de l'actrice Deneuve, c'est justement de remettre le plus de vie possible dans. Et dans un sens de résister un petit peu à la mise en scène. Mais je crois que Truffaut, oui, filmait les femmes comme des apparitions. Et même là, d'ailleurs, je suis assez surpris de l'entendre, mais c'est difficile aussi depuis aujourd'hui, comme ça, d'écouter des gens qui parlent, je sais pas à quel moment là ils parlent, ça doit être dans les années 70, Parce que ça semble à l'inverse de son cinéma. Même quand il commence à définir que comme ça un metteur en scène, les qualités viriles d'un metteur en scène, je vois pas pourquoi le côté le maintien de l'ordre, puisque c'est un peu quand même ce que j'entends dans ce qu'il dit, serait une vertu masculine et pas féminine, vous voyez. Et je pense que sur des tournages de beaucoup de cinéastes femmes, en fait, elles ont aucun mal, en fait, à faire régner l'ordre au moment où il faut le faire régner. Justement, et c'est ce qui peut agacer et dans son discours et dans certains films comme L'homme qui aimait les femmes, où il y a quand même une opposition très nette entre ce que devrait être un homme et ce que sont les femmes qui, et là vous avez raison, sont plutôt comme des apparitions parce qu'on voit des jambes qui traversent l'écran tout le temps, mais ce sont pas des femmes, c'est des membres de femmes qui peuvent évoquer une certaine idée de la féminité. Mais vous entendre en parler ainsi et dire la manière qu'a eu Jules et Jim de compter pour vous en brisant les codes que lui-même établit est très intéressant. C'est-à-dire que le cinéma Truffaut va plus loin que Truffaut lui-même, en fait. Oui, parce que c'est un cinéma très secret, le cinéma Truffaut. Et c'est pour ça que ça rend ces films difficiles à regarder. Difficile. Ben oui, parce que c'est des films qui ont comme ça une apparence de simplicité et puis qui ont un je sais pas comment dire, c'est des films qui semblent viser l'unanimité. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard. Truffaut a eu un énorme succès, et notamment à l'étranger. Il arrivait à monter ses films, notamment grâce au préachat en fait de ses films à l'étranger, etc. C'est un cinéaste qui rayonnait, Truffaut. Et pourtant, si il suffit de regarder ces films, en fait, pour s'apercevoir qu'il y a quelque chose d'assez mal aimable dans ces films, quelque chose qui est beaucoup plus secret, beaucoup plus retors, même dans la fabrication, en fait, parce que il s'autorise quand même tout un système de références, de citations, qui sont assez complexes et qui mettent toujours une distance, en fait. Entre le récit comme ça qui fonctionne par épisode en feuilleton souvent et on voit bien que le film raconte toujours à peu près l'inverse de l'histoire qui nous est racontée. Ah oui. Et moi je crois que c'est un cinéaste très complexe et surtout très raisonneur. Au sens de moralisateur ou au sens de rationnel? Je dirais au sens un peu comme chez certains écrivains, Chardon, etc. Non, ça résonne en fait. C'est-à-dire que c'est comme des gens qui font toujours des histoires dès qu'on leur dit la moindre chose, et ben ça résonne derrière et il faut qu'ils contredisent, etc. Et je sens que dans ces films, ils ne cessent de raisonner. Et d'être un peu insupportable. Vous savez, comme quand on est des fois par rapport à des enfants qui nous posent 12 questions, on leur donne des réponses et ils continuent à poser des questions. C'est dans ce sens-là, en fait. Donc le troisième sens de raisonner. On va écouter un extrait de la correspondance entre Jules et Jim et Catherine. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'histoire en tête, on est dans le Paris des années 10. Hein. Jules et Jim et Catherine s'aiment. Jules épousera Catherine, mais l'amour entre Catherine et Jim ne s'éteint pas. Alors ça, c'est la version officielle, après c'est votre lecture qui s'honorerait. Catherine et Jim ont souhaité un enfant qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et là, dans l'extrait, Gilberte, la compagne nouvelle de Jim, va apporter une lettre de Catherine. Jim lui répond, va s'en suivre des échanges épistolaires entre Catherine et Jim, et vous allez entendre les trois voix et le rapport non seulement à l'amour, puisqu'on a commencé l'émission, enfin j'ai commencé en lisant le texte de Truffaut qui disait que finalement tout parlait d'amour, et surtout le thème de la reproduction de la vie, les sources de la vie, puisque au moment où Catherine écrit, elle est enceinte. Voilà ton inhalation. Il y avait une lettre aussi. Merci. Je crois être enceinte. Viens, Catherine. Gilberte, donne-moi du papier à lettres, s'il te plaît. Catherine, je suis au lit, malade, hors d'état de me lever. Je n'ai pas non plus envie d'aller te voir, enceinte probablement d'un autre. Car ce n'est pas notre pitoyable dernier adieu qui a pu faire ce que notre amour le plus fort n'a pas réussi. Le plus fort n'a pas réussi. Tu as raison, je ne crois pas un mot de cette histoire de maladie. Je vais lui écrire tout de suite et lui dire que tu veux le voir. Cher malade imaginaire, venez nous voir dès que possible. Catherine attend une lettre de vous. Écrivez très gros car ses yeux sont fatigués. Elle ne peut lire que les grosses écritures. Catherine croit que je n'étais pas vraiment malade. Moi, je me demande si elle attend vraiment un enfant. De toute façon, j'ai peu de chance d'en être le père. Bien des raisons justifient mes doutes. Notre passé, Albert et tout le reste. Je t'aime, Jim. Il y a tant de choses sur la terre que nous ne comprenons pas et tant de choses incroyables qui sont vraies. Je suis enfin féconde. Remercions Dieu, Jim. Prosterne-toi. Je suis sûre, absolument sûre que c'est toi le père. Je te supplie de me croire. Ton amour est une partie de ma vie. Tu vis en moi. Crois-moi, Jim. Crois-moi. Ce papier est ta peau. Cette encre est mon sang. J'appuie fort pour qu'il entre. Réponds-moi vite. Mon amour, je te crois. Je crois en toi. Je me prépare à partir vers toi. Quand je rencontre un morceau de bon en moi, je sais qu'il vient de toi. Ils s'étaient promis jadis de ne jamais plus se téléphoner, craignant d'entendre leur voix sans pouvoir se toucher. Leurs lettres étaient trois jours en route. Ils échangeaient un dialogue de sourds. Bien des raisons étayent mes doutes. Notre passé, Albert et tout le reste. Je ne penserai plus à vous pour que vous ne pensiez plus à moi. À présent, vous me dégoûtez et j'ai tort car rien ne doit dégoûter. Mon Jim, ta grande lettre bouleverse tout. Ce matin, je me suis dit, dans deux jours, il sera là, lui, et pas une pauvre lettre. Rassemblons vite nos duretés d'avant-hier. Or, elles ne viennent pas. Jim, viens quand tu peux, mais peu bientôt. Arrive, même tard dans la nuit. Enfin, Jim reçut une lettre de Jules. Votre petit enfant s'est éteint. Au tiers de sa vie prénatale, Catherine désire désormais le silence entre vous. Ainsi, à eux deux, ils n'avaient rien créé. Jim pensait, c'est beau de vouloir redécouvrir les lois humaines, mais que cela doit être pratique de se conformer aux règles existantes. Nous avons joué avec les sources de la vie et nous avons perdu. Et voilà comment en 2 minutes 34, trois voix et plusieurs dialogues qui sont en fait des lettres écrites, le sort est réglé. Je sais pas si c'est, enfin, c'est à la fois bouleversant et drôle. On hésite entre les deux, non, Christophe Honoré? Oui, alors après, faut rendre aussi à Rocher, enfin au roman d'origine, parce que là, c'est vraiment des extraits du roman que Truffaut utilise. Donc, mais il les monte exprès de manière à ce que. Il y a quelque chose en tout cas. En réécoutant ça, et il y a quelque chose moi en tout cas qui me touche et je trouve qui caractérise assez bien la relation que les personnages de Truffaut ont entre eux. C'est l'idée qu'ils pensent. Je pense à vous. Voyez, cette idée, je pense à vous, qu'on dit dans une lettre, en fait. Chez Truffaut, très souvent, les scènes sont construites. En fait, on a l'impression que les personnages pensent à un autre personnage, plus qu'ils ne sont en interaction avec un autre personnage. Et certainement, quand on parlait tout à l'heure de l'idée des apparitions, c'est ça, justement. Et je crois que c'est ça qui l'intéresse vraiment, Truffaut. Et c'est pas tant de mettre en scène des situations vraisemblables qui s'incarnent, etc., que de partager avec le spectateur et de réussir à cerner la manière dont un personnage pense à un autre personnage. Et c'est pour ça qu'il utilise énormément de voix off dans ses films, je pense. Et dans Jules et Jim, c'est assez beau parce que cette pensée est sans cesse contradictoire. On le voit bien, en fait, dans ce que là, par exemple, raconte le personnage de Jeanne Moreau. C'est que elle change d'avis, en fait, sans cesse. Et le film lui-même, dans sa mise en scène, change d'avis sans cesse sur les personnages et sur les relations que chaque personnage entretient avec l'autre. Mais c'est assez cohérent avec ce que dit Truffaut lui-même quand il dit « je voulais essayer de montrer autre chose qu'un couple » pour voir justement qu'il n'y a pas forcément l'idée de l'impossible choix, que les choses sont toujours plus compliquées, y compris, et là c'est cristallisé avec l'histoire de la grossesse où finalement on ne sait pas qui est le père. C'est quelque chose scénaristiquement qui fonctionne très bien. Oui, après, c'est étrange, hein, parce que on dit souvent que Truffaut est un cinéaste de l'enfance, parce qu'il a, parce que son premier film avec les 400 coups, etc. Mais finalement, et puis évidemment l'enfant sauvage, là, voilà. Mais finalement, il y a assez peu de couples avec enfants dans les films de Truffaut. Alphonse. Voilà, la question de mais qui est assez, vous voyez, Alphonse. Qui est le fils d'Antoine Doinel. Voilà, qui arrive très tardivement et puis pas dans le meilleur film du cycle Doinel. Et vous remarquerez, en fait, que souvent, en tout cas, les grandes figures comme ça de couple, je pense à La Peau Douce, un couple adultère, je pense à La Sirène du Mississippi, Le Dernier Métro, c'est des couples sans enfants et c'est des couples, comme il utilise ce terme qui est terrible, non féconds, en fait. Et je crois qu'il s'inscrit en fait dans cette idée-là quand même de que l'amour est une fin et non pas enfin en tout cas l'amour n'est jamais de l'ordre de la création de la famille chez lui. Je crois que c'est pas du tout c'est pas son sujet. Mais quelle différence entre la façon qu'il a de parler de Jules et Jim et de ce recours à un couple à trois, on appelle ça un trouble aujourd'hui, et Chanson d'amour, dont on avait entendu un extrait, votre film, ou aussi au début du film, alors cette fois-ci, c'est, oui, un homme et une femme qui décident d'inviter une troisième femme dans leur lit pour que le couple puisse connaître une autre dynamique, parce que vous aussi, en plus, vous sacrifiez l'un des personnages. Oui, alors. Sans tout révéler, hein, mais bon. C'était ça, c'est-à-dire que mais il y avait une double substitution parce que c'est à la fois le personnage de Louis Garrel qui effectivement est dans un trouble avec Ludivine Sagné et Clotilde M et à la mort accidentelle en fait de Ludivine Sagné à 20 minutes du film, vous très, savez, très rapidement personnage en fait. Principal qui meurt très vite, ce qui est rarement voilà, vu, et qui permettait comme ça de et surtout en fait il va tomber amoureux d'un lycéen et donc en fait dans cette idée quand même du trouble, c'était une manière pour moi d'essayer de montrer un personnage masculin qui justement voulait s'échapper tout simplement de ce cadre du couple hétérosexuel et qui, de toute évidence, avait des désirs qu'il n'assumait pas, en fait, et qui le faisait regarder ailleurs. Donc là aussi, les femmes sont le moyen d'arriver à un autre homme, en fait, c'est ça ? Ouais, c'est assez étrange. Après, je me suis pas tellement posé des questions psychologiques parce que c'était aussi un film qui était beaucoup, qui venait beaucoup des chansons d'Alex Baupin et puis de l'amitié qu'on avait et puis d'un événement tragique qui était la mort justement de la fiancée d'Alex alors qu'on était tous très jeunes et donc le film est c'est un film qui s'est fait tellement rapidement etc et dans une espèce de d'innocence presque obstiné, j'allais dire, on voulait pas tellement se poser la question parce qu'il était très personnel et racontait vraiment quelque chose qu'on avait vécu. Que du coup, 10 ans après, parce que ça fait 10 ans, les chansons d'amour, j'ai du mal à le lire en fait, vous voyez. Mais vous n'aviez pas Jules Gimet en tête au moment de l'écriture du film ? Non, j'avais vraiment Une femme est une femme. Et d'ailleurs, tout le début des chansons d'amour et ça se passe dans le quartier en fait de la porte Saint-Martin, de la porte et du Faubourg Saint-Denis, parce que c'était le quartier d'Une femme est une femme, et c'était vraiment beaucoup plus ce film-là que j'avais en tête. Un autre point commun que vous avez avec François Truffaut, c'est l'amour pour les chansons. Voici un extrait de La femme d'à côté, le film de 1981 de François Truffaut avec Fanny Ardant et Gérard Depardieu, et puis un extrait de votre film Dans Paris. Quand tu viens me voir, tu t'emmerdes à 100 sous de l'heure, hein, à vous. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, mais... Tiens, il marche maintenant, ton poste. Je crois avoir retenu que vous souhaitiez... Je suis content que tu t'intéresses aux nouvelles, de savoir ce qui se passe dans le monde. Non. J'écoute uniquement les chansons. Parce qu'elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes. Qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent... Ne me quitte pas, ton absence a brisé ma vie. Oh, je suis une maison vide sans toi. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. Ou bien, sans amour, on n'est rien du tout. Bon, Mathilde. Il faut que j'y aille maintenant. Sais-tu, ma belle, que les amours les plus brillants ternissent le sale soleil du jour le jour. Les soumet au supplice. J'ai eu une idée inattaquable pour éviter l'insupportable avant la haine, avant les coups de sifflet ou de fouet, avant la peine et le dégoût. Brisons-la s'il te plaît. Je t'embrasse et ça passe. Bien, on se débarrasse pas de moi comme ça. Je suis très envieux des paroliers de chansons, écrit François Truffaut, parce que je sais que je ne saurais pas le faire, dit-il. Il faut un esprit de simplification et d'ellipse pour écrire une chanson, alors que j'écris très facilement des dialogues. Et il rajoute, une chanson est considérée par les intellectuels comme une scie, parce qu'on l'a entendue toute l'année, mais elle a aidé des tas de gens, cette chanson est importante. Vous faites partie, Christophe Honoré, des rares réalisateurs qui fait chanter en fait les acteurs. La chanson arrive dans le scénario. C'est pas la bande son, c'est les acteurs qui chantent. Oui, et c'est d'ailleurs c'était une lutte pour moi parce que quand j'ai commencé à faire des films, je me méfiais beaucoup de la musique dans les films. J'étais je sais pas, il y avait comme ça, c'est toujours cette idée que la musique ou les chansons pouvaient être dans les films comme des béquilles, vous voyez, enfin quelque chose qu'on aurait où on aurait échoué et que là, il y avait une espèce de pansement magique comme ça qui était le moment chanté. Et finalement, je me suis aperçu, notamment dans Paris, avec ce moment-là, cette chanson-là, qui est une chanson d'Alex Baupin chantée par Romain Duris et Johanna Price, qui était un moment d'une situation normalement assez habituelle, en fait une conversation téléphonique au téléphone entre un couple en fait qui se sépare et puis en utilisant en enlevant mes dialogues et finalement en utilisant cette chanson d'Alex Baupin, j'avais l'impression d'avoir fabriqué une séquence effectivement qui était qui était très juste, en fait, très sincère, et qui était l'inverse, justement, d'un artifice et d'une béquille. Mais au contraire, quelque chose qui tremblait et qui était assez essentiel. Donc, j'ai continué à travailler ce motif de la chanson d'une manière assez systématique, en fait, dans certains films qui sont presque des comédies musicales. Et puis, mais même dans les autres films, en fait, déjà, j'aime bien la position de vulnérabilité que ça... Où ça oblige... Enfin, ça oblige toujours l'acteur, en fait, ou l'actrice, à se mettre à... Un acteur ou une actrice qui chante, en fait, n'est jamais dans son domaine de compétence, normalement. Et là, on voit bien, par exemple, quelqu'un comme Romain Duris, quand il se met à chanter, ça tremble, on sent qu'il a peur. Et j'ai l'impression que, du coup, on atteint quelque chose d'assez inhabituel et caché et secret. Et rien que la voix même de Romain, en fait, je la reconnais pas. Et soudain, il se met à un autre rythme et... Et donc on a toujours un petit peu c'est une illusion, mais en tant que cinéaste, on pense toujours qu'on va pouvoir filmer les acteurs, les actrices d'une manière inattendue et qu'on va réussir à percevoir chez eux quelque chose que d'autres n'ont pas vu. Et c'est vrai que les faire chanter est souvent une voie royale pour obtenir ça. Et vous pensez comme Truffaut que les chansons disent la vérité ? Bon, pas toutes les chansons. Si vous écoutez Trois Cafés Gourmands, je pense pas que ça dit tellement la vérité. D'Alex Baupin, alors, dit la vérité? Non, en tout cas, les chansons, je crois que surtout elles disent la vérité qu'on a envie d'entendre. C'est toujours ça qui est étonnant, en fait, dans les chansons, et notamment dans les chansons d'amour, c'est que c'est, elles nous donnent à un moment l'illusion qu'on n'est pas les seuls à éprouver ce qu'on éprouve. Voilà. Et ne me quitte pas. Enfin, vous voyez. Enfin, je pense que il parlait uniquement de ces grandes chansons-là, parce qu'après, il y a quand même aussi énormément de chansons qui nous disent des mensonges absolus. Mais comme le cinéma, au fond. Quelle différence? Le cinéma est aussi un art où on se sent moins seul et où parfois on nous ment et parfois, au contraire, on se sent concerné. Oui. Je pense que le cinéma peut avoir ce... La seule chose qui est différente, c'est que on peut pas réentendre tellement du cinéma. Vous voyez, il y a quand même très peu de gens qui retournent voir des films. Ça peut arriver, mais c'est vraiment des cinéphiles un peu maladifs. Moi, avec les DVD maintenant, on regarde beaucoup. Oui, c'est vrai. On peut regarder des extraits, mais c'est encore différent. D'ailleurs, c'est très très étonnant quand vous n'avez pas. Des fois, vous pensez en fait qu'en revoyant 2-3 minutes d'un film, en fait, le film en entier vous revient, alors que c'est l'inverse en fait. Et souvent, d'ailleurs, ça vous fait aimer certains films où vous n'aviez pas le souvenir que vous aviez autant adhéré que ça en fait au film. Et d'en revoir 3 minutes, vous dites ah mais si, c'était charmant. Et puis, si vous vous replongez vraiment dans le film, finalement, vous apercevez que ces 3 minutes ne sont pas, elles vous ont plus distrait du film qu'elles ne vous ont redonné le film. Alors là, c'est pas 3 minutes, c'est 1 minute 52 du prochain film que nous allons entendre. C'était votre dernière proposition, Christophe Honoré. Le dernier métro, on n'en a pas encore parlé d'ailleurs cette semaine, donc je suis contente qu'il nous reste du temps pour en parler. Donc 1980 avec Catherine Deneuve, Heinz Bennett notamment, et Gérard Depardieu aussi qu'on retrouve. Alors dans l'extrait qu'on va entendre, en fait, il s'agit d'un théâtre pendant la Seconde Guerre mondiale, et on sait que le directeur du théâtre n'est pas là. Et on va découvrir à un moment dans le film qu'en fait, si, il est caché dans la cave, et non seulement il est caché dans la cave, mais il va même continuer à diriger son théâtre et à mettre en scène une pièce depuis la cave, selon un artifice extraordinaire qu'a inventé à l'occasion du film. Et donc là, vous allez entendre la discussion entre Marion, jouée par Catherine Deneuve, et ce fameux Lukas Steiner qui est donc dans la cave. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Luca. La propagande staffel interdit la pièce. Non. Tu ne peux pas partir dans 8 jours. La filière qu'on m'avait donnée n'est pas bonne. Mais tu m'avais dit que c'était sûr. Mais ce n'est jamais sûr. En fait, le type qui faisait passer les gens à côté de Nevers, eh bien, il s'est fait arrêter. Alors j'ai peut-être une autre solution, mais j'hésite. Pourquoi? Il peut se faire arrêter aussi? Non, c'est pire que ça. Il y a des passeurs, des soi-disant passeurs, qui prennent l'argent et qui après arrêtent leur camion juste devant la commande d'entour. Tu vois ça d'ici? Comme ça, ils touchent les deux côtés. Et puis tu n'es pas un client ordinaire. Puis il y a beaucoup de gens qui connaissent ta tête et puis il y a ton accent. Non, il faut que tu te prépares à passer plusieurs semaines ici. Ça ira? Tu pourras tenir? Bien sûr que je pourrais tenir. Il le faut. Mais je déteste me sentir inutile, paralysé, coincé. Tu as parlé à Jean-Loup, il va nous aider. Écoute, j'ai réfléchi, mais je préfère ne rien dire à Jean-Loup. Il connaît trop de gens. Il va partout, il parle, il blague. Ce serait trop grave. Tu sais combien de lettres de dénonciation de juifs arrivent par jour à la police? Dis un chiffre. Je sais pas, moi, 300. 1500. 1500 lettres par jour. Mon patron est juif, mon voisin est juif, mon beau-frère est juif. Non, tout le monde te croit parti. Tout le monde. Il faut continuer comme ça et que je reste seule à m'occuper de toi. Tu crois que je te fais passer des bons mains par politesse? Eh bien, pas du tout. C'est pour regarder tes jambes. Depuis qu'un soir, dans un coin de France, j'ai vu dans l'ombre vos yeux immenses. Mon cœur est plein de folle espérance et je pense à vous le jour et la nuit. Mais notre langue n'est pas la même, et pour vous dire que je vous aime, je ne sais pas de plus beau poème que cette phrase de mon pays. Bei mir bist du schön, cela signifie, vous êtes pour moi plus que la vie. Bei mir bist du schön, veut dire en amour, chérie, je suis à vous pour toujours. Oui, on aurait pu croire un instant que c'était pas un film de Truffaut, mais quand même avec la référence aux jambes, on sait bien dans quel univers on est. Qu'est-ce qui vous touche tant dans cet extrait, dans ce film, Christophe Honoré? Il y a deux raisons. La première, c'est qu'on a toujours, si vous entendez des gens, même des Truffaldiens, le dernier métro, il est un peu dénigré, comme si le fait qu'il avait eu autant de César, autant de succès, en fait, en faisait une sorte de film, j'allais dire, vendu au système. Enfin, vous voyez, alors que moi, vraiment, je pense que c'est un des plus beaux films de Truffaut. En tout cas, c'est un film qui me touche énormément et que je trouve d'une très grande complicité. Et alors peut-être parce que justement j'ai toujours lié aussi Truffaut à la littérature, où là j'ai vraiment l'impression que par le théâtre, on l'entend d'ailleurs, enfin vous voyez, rien que dans cette scène, en fait ça ne sonne pas comme une scène de cinéma, ça sonne vraiment comme une scène de théâtre, de vieux théâtre, on peut le dire, hein, pour le coup c'est pas forcément un théâtre, mais il y a quelque chose en fait dans ce film sur l'artifice et sur la théâtralité qui est où il rejoint vraiment Rivette, où il rejoint Romère et qui en fait un film très important pour moi dans l'histoire même du cinéma français. Et puis après, c'est aussi parce que là moi je sors un film Chambre 212 et pour le coup le dernier métro a été une des sources en fait de ce film là, c'est-à-dire comment envisager un portrait de couple, parce que je crois que dans le dernier métro, c'est avant tout un portrait de couple, ce couple en fait entre une actrice et un metteur en scène. Un troisième élément, on le retrouve là aussi. Hein. Avec un troisième élément, mais qui est un acteur, donc qui promet comme ça une espèce de fiction, mais qui n'advient jamais vraiment dans le film. Il y a des baisers échangés, mais la fiction amoureuse en fait ne prend pas. Et on sait que Truffaut n'a cessé de mettre en scène dans ses films les relations que lui-même entretenait avec ses actrices et que sa vie amoureuse a été très ponctuée, je crois, d'histoires d'amour avec des actrices. Donc Ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était d'essayer comme ça d'interroger le couple en isolant en fait le couple. Donc chez lui, c'est d'une manière verticale, la cave et la scène de théâtre. Et donc la scène de théâtre, c'est évidemment le lieu où tout peut arriver et où toutes les fictions, que ce soit les fictions des histoires d'amour avec Gérard Depardieu, mais aussi de la création d'une pièce de théâtre, mais aussi de la grande histoire avec les nazis, la censure, et donc tout ce que ça raconte. Et puis à côté de ça, il y a cet homme seul dans sa cave qui perçoit ça principalement en fait par les sons. Par les tuyaux en fait. Par les tuyaux, voilà. Et dans mon film en fait, je l'ai envisagé d'une manière horizontale, puisque c'est une femme, Chiara Mastroianni, qui se trouve être aussi la fille de Catherine Deneuve. Avec qui vous avez beaucoup tourné, d'ailleurs. Avec qui Chiara j'ai beaucoup tourné, et qui, en fait, laisse son mari, non pas dans la cave, mais dans leur appartement, dans leur domicile conjugal, et va s'installer dans l'hôtel en face, et a une vue comme ça sur son couple, mais en étant isolée, et sa chambre d'hôtel devient, elle aussi, une scène de théâtre où il y a un rapport de coulisses, de portes qui claquent et de gens qui viennent envahir cette scène. Donc c'est vrai que pour moi, ça a toujours été un film important. J'ai jamais... peut-être aussi parce que c'est le film... C'est quoi? C'est 84, le dernier métro? 81. 80. Ah ouais, donc j'étais vraiment petit. Ah oui, j'avais 11 ans, en fait. Donc c'est peut-être parce que c'est là où j'ai entendu François Truffaut la première fois. Mais j'ai vu le film plus tardivement. J'ai vu le film quand j'étais au lycée. Donc mes parents m'avaient pas autorisé à aller voir ce film. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un film... c'est en plus un film assez unique dans le cinéma français parce qu'il est... Il a comme ça peut-être une apparence d'un film, vous voyez, historique, à grand sujet, etc. Mais à aucun moment, en fait, le film n'est solennel. Même dans sa manière d'envisager la résistance, la collaboration, etc. C'est toujours un film, et c'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui caractérise beaucoup le cinéma de Truffaut, c'est des films adolescents et pas du tout des films de parents d'élèves, vous voyez. Et je trouve que c'est assez touchant et même très émouvant de voir ce cinéaste qui à l'époque a déjà une cinquantaine d'années, qui est comme ça désigné quand même par une profession comme le patron du cinéma français, et qui arrive à faire un film aussi adolescent sur un sujet aussi solennel. Il y a aussi l'idée que presque du voyeurisme, hein. Quand vous parlez de votre film aussi, cette personne qui va s'installer en face et regarder, là dans le théâtre, il est en dessous, mais il regarde aussi, c'est la position du réalisateur, non, qui regarde, qui peut-être mettre en scène, il y a ce fantasme de mettre un pied de l'autre côté de la réalité pour la regarder différemment. Oui, et puis c'est aussi quand même cette idée de jeter les gens qu'on aime dans les bras d'autres gens, vous voyez, qu'on retrouve dans Julie Jim, l'amant allemand qui lit les lettres qu'on a entendues en fait de Jim, l'amant français. On sent bien qu'il pousse sa femme en fait dans les bras de cet homme. Et là, pareillement, en fait, ce metteur en scène est tout à fait lucide sur ce qui se passe en haut et sur le fait que sa femme est attirée par ce jeune acteur. Et on a toujours l'impression dans les scènes en fait qu'il pousse en fait cette femme dans les bras d'un autre. Et ça, c'est propre au réalisateur, quel qu'il soit. Cette affaire de désir, de créer du désir devant soi, ou c'est trop impudique de vous poser cette question? Non, en plus pour moi, non, mais je crois en tout cas, oui, que c'est vrai. Je pense qu'en tout cas pour quelqu'un comme Truffaut, qui avait un rapport souvent amoureux avec ses actrices, je pense que le désir qu'il pouvait avoir avec ses actrices se réalisait dans le fait de les pousser dans les bras d'un autre acteur et de les faire jouer des scènes. C'est quand même pas rien en tant que cinéaste quand même d'arriver à un matin et d'avoir en face de soi un acteur, une actrice ou deux acteurs ou deux actrices et de leur dire j'aimerais beaucoup alors que vous vous preniez dans les bras l'un de l'autre et que vous vous disiez exactement ça. Ouais. Si vous pouviez vous embrasser en cours de scène, vous voyez, c'est quand même une activité étrange. Ouais. Et qui n'est pas innocente et c'est bien pour ça que ce qui se passe en fait sur un tournage est très complexe et souvent invisible d'ailleurs pour les gens qui sont sur le tournage, même je pense pour l'équipe technique, et se joue sur un rapport alors ça peut être malheureusement des fois un rapport de domination, mais aussi sur un rapport beaucoup plus doux et sensuel de circulation du désir. Mais ça, c'est possible, cette douceur et cette sensualité, parce que quand on écoute Truffaut en parler, ou quand on regarde La Nuit américaine, à laquelle d'ailleurs beaucoup de critiques ont reproché de ne pas être fidèle à la manière qu'avait Truffaut lui-même d'être avec ses actrices et ses acteurs, on sent quand même, oui, cette volonté, une forme de domination, voire même peut-être de manipulation, en tout cas un rapport au désir qui est très très fort. Est-ce qu'on peut être réalisateur sans être dans cette domination-là? Alors moi j'aurais tendance à penser que oui, mais peut-être que les gens qui travaillent avec moi vous diraient l'inverse. Moi, c'est sûr que à partir du moment... Wow, j'ai l'impression de remettre ça tout le temps sur le tapis, je suis désolé, mais en tant que cinéaste homosexuel, forcément, c'est très très différent quand vous travaillez avec des actrices et avec des acteurs, parce que j'allais dire, c'est réglé d'avance. Bah oui, mais vous pouvez filmer deux hommes, enfin, ça change rien. Voilà, alors ça, c'est... Bah si, vous avez raison de dire ça, ça change quelque chose, parce que déjà, il y a... Ah là là, mais là on s'égare un petit peu, mais non, mais tout simplement parce que moi je crois à peu près avoir jamais travaillé avec des acteurs homosexuels. Et peut-être que ça c'est une protection ouais. De ma part. Et, bon, déjà il y a pas tant d'acteurs homosexuels out dans le cinéma français, vous voyez ce que je veux dire. Et je sais pas si le trouble en fait qui pourrait éventuellement exister. Je sais pas, me ferait faire un meilleur film ou pas. Donc c'est pas forcément une histoire de désir pour vous, en fait, c'est ça alors ? Non, pour moi c'est une histoire de romanesque, en fait, de fiction. C'est une histoire, et peut-être que c'est de là devient la douceur, en fait, c'est que c'est une impossibilité, c'est une impuissance que je mets en scène. Et mais il reste 5 secondes, hein, vous en faites pas. Donc voilà, non mais Truffaut est dans la puissance là-dessus. Et moi, moi j'aime assez bien parce que c'est non Truffaut c'est un cinéaste puissant, je pense, sur l'érotisme et sur le désir. Merci beaucoup Christophe Honoré d'être venu nous en parler ce matin. Et on se quitte avec une chanson, puisqu'on en a beaucoup parlé, la chanson de Vincent Delerme a ouvert cette émission. C'est celle de Bobby Lapointe qui va la terminer, à vanille et framboise, qu'on trouve dans la bande originale de Tirer sur la pianiste. Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais ce n'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était d'Antibes. Quelle avanie, avanie et framboise sont les mamelles du destin. Pour sûr qu'elle était d'Antibes, c'est plus près que les Caraïbes. C'est plus près que Caracas, est-ce plus près que Pézenas, je ne sais pas. Et tout en étant française, l'été tout de même antibaise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt pour qu'elle avanie, avanie et framboise sont les mamelles du destin. Elle avait peu d'avantages pour en avoir davantage. Elle s'en fit rajouter à l'Institut de beauté. Ah ah ah. Tirer sur le pianiste, non pas sur la pianiste, comme je l'ai dit. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, la chronique quotidienne de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment réparer les violations ? L'une des fonctions des sociétés et des relations humaines, dans l'ensemble peut-être de leurs institutions, depuis les institutions médicales jusqu'aux institutions de justice et peut-être même jusqu'à la littérature et à l'histoire, c'est de réparer le tort que les humains peuvent se faire les uns aux autres, de réparer les violences. Et ainsi, on constate que le soin physique, après par exemple une blessure ou une torture même, le soin juridique, la justice peut être pensée comme une réparation, la justice qu'on dit réparatrice, ce n'est peut-être pas seulement une image, un procès peut réparer une relation déchirée et l'histoire qui permet de raconter le récit sont des moyens qu'ont trouvé les humains pour surmonter leur propre déchirement intérieur, les violences qu'ils s'infligent les uns aux autres. Pourtant, une question se pose sur la limite de ces réparations possibles. Si les violences que nous nous infligeons ne sont pas seulement des coups extérieurs, des forces qui sont anonymes en quelque sorte et qui se posent sur les uns et les autres de manière aléatoire, mais surgissent du plus vital de nos relations, de ce qui nous constitue comme sujet, si elles peuvent venir détruire jusqu'à notre capacité même à être une personne, à se penser comme un individu et détruire aussi, comme le montrent certains témoignages, notre confiance dans le monde et dans la société, alors toute violence est-elle réparable ? N'y a-t-il pas quelque chose d'irréparable dans ce degré de violence très particulier qu'on appelle ou qu'on devrait appeler aussi la violation ? La violation qui n'est jamais seulement la violation d'une loi, puisqu'au contraire la loi surgit de l'expérience de la violation, mais qui est la violation d'une subjectivité et dont le viol, par exemple, reste l'un des modèles dans la mesure où il n'atteint jamais seulement une partie de la subjectivité, mais la subjectivité tout entière et sa capacité même à envisager ensuite des relations amoureuses. Comment réparer ces destructions ultimes qui ont en effet quelque chose d'irréversible et peut-être d'irréparable? L'idée même de réparation étant encore une violence, puisque finalement la réparation, un peu comme dans l'assurance contre un risque, c'est trouver une commune mesure des années de peine infligées aux uns qui pourraient venir réparer l'irréversible peine infligée aux autres, et on tombe dans la surenchère aussi de la vengeance et d'un châtiment qui vise à faire souffrir autant et peut-être infiniment autant que ce que le criminel à infliger à sa victime, de telle sorte que même la peine de mort paraît insuffisante à certains pour se venger de certaines souffrances inexpiables. Il y a donc une surenchère infinie du châtiment, de la vengeance dans cette sphère de l'irréparable qui hante nos sociétés comme les crimes les plus intimes, les plus violents, mais parfois aussi les plus infimes, comme par exemple cette forme de la violation de l'amitié qu'est la trahison, la parole non tenue. Et comment la réparer alors? Comment renouer une relation qui a été brisée de l'intérieur par l'un de ces termes et qui fait qu'une partie de nous-mêmes semble désormais inaccessible? Comment pourrais-je t'aimer désormais? Comment pourrais-je te faire confiance ensuite? Comment réparer cet irréparable de la violation qui est bien plus qu'une violence quantifiable, qui est une destruction des sujets humains les uns par les autres? La réponse, elle est dans le fait même d'en faire une priorité de la société humaine. D'abord, dans des actes de prévention que les humains ont intégrés sans le savoir depuis le début de leur vie, comme le psychanalyste Winnicott nous dit qu'une mère suffisamment bonne l'est sans jamais se poser la question. Oui, car la bonté humaine consiste à justement se préserver des violations intimes de manière quasi instinctive, sans le savoir, en se protégeant contre le mal que nous pourrions nous infliger. Ainsi, les premiers soins, le soin primaire, est une protection, non pas contre toutes les violences qui pourront surgir, contre toutes les violations qui nous menacent en permanence, mais contre la destruction qu'elles peuvent engendrer dans notre subjectivité. Nous construisons, tant bien que mal, des subjectivités capables de résister au mal et capables de surmonter ces violations quand elles ne sont pas trop lourdes, car les violations peuvent avoir pour but de détruire même ces protections, érigées peu à peu, progressivement, à la fois par les individus et par la société contre ce risque. Il y faut aussi, bien sûr, cette reconnaissance publique de ces actes irréparables. Le fait même de reconnaître l'irréparable est déjà une façon d'y répondre. Une reconnaissance publique qui montre que la loi n'empêche pas seulement des actes de destruction objective, mais aussi ce qui a visé entre les sujets la capacité même à survivre, la capacité à être soi-même, la capacité à être quelqu'un. Et enfin, cette réparation de l'irréparable, elle passe par la reconstitution progressive dans d'autres sphères, dans d'autres relations, d'une sorte de relation préservée de ces actes de transgression interne. Réparer la violation, ce n'est pas possible quand elle a eu lieu, mais c'est possible avant, après, sur d'autres points. Il est possible de faire la part de la cicatrice et de réparer toute la peau du corps autour, une cicatrice qui rappellera la fragilité intime, qui est toujours présente sur tous les corps humains, mais qui peut ne pas les empêcher de vivre. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture ou bien à télécharger, à podcaster à la page Le Pourquoi du Comment. Voilà. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda, avec Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoy, Jules Barbier, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui a réalisé pour vous cette semaine Truffaldienne, Jean-Frédéric à la prise de son aujourd'hui, Noémie Lvoski qui a accompagné ces émissions de sa voix, qui a lu les textes écrits par François Truffaut. On se retrouve demain. Demain, ce sera l'occasion pour vous de redécouvrir un cours particulier en compagnie du chef opérateur Caroline Champetier, initialement diffusé le 28 janvier 2022. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.